De qui parlez-vous demain? C'est la chance au coureur. Bonjour et bienvenue à La Chance au coureur, l'émission qui découvre, analyse, critique et décortique les nouveautés musicales reçues à C'est fou 89.1 FM depuis les 7 derniers jours. Mon nom est Mathieu Plante. Bonjour Danny Janvier. Bonjour. Ça va bien aujourd'hui toi? Ben oui. Hey, t'as écouté de la musique cette semaine? Oui, j'en ai écouté très bonne musique cette semaine. Comme quoi donc? Ben j'ai écouté Original Recipe et l'album Noisette, très très le fun, que j'ai fait même écouter une petite pièce lors de mon émission E3 2.0. Là. On ne parlera jamais assez de cette émission-là, E3 2.0, les mercredis de 15h à 16h, une émission de musique électronique en tout genre avec Danny Janvier. Oui, puis c'est le fun, l'électronique dans le jour, on n'avait pas. C'est vrai. On avait besoin. Et puis Solidaze ou Solidays, qui était le fun aussi. Moi, j'ai écouté le nouvel album de Robopop. On en parlera un petit peu plus tard. Ça va être très, très bon. Mais on commence l'émission, comme toujours, par les singles. Et le seul et unique single qu'on a reçu cette semaine, c'est une jeune dame qui s'appelle Émilie Loiseau. C'est la pièce « Je suis jalouse » de l'album « L'autre bout du monde ». Hein? Donc, on va écouter ça. Puis c'est « Je suis jalouse » de l'album. Ah oui. T'en veux un pareil? Non, c'est ça le titre. « Je suis jalouse » de l'album. Hey, plus tard aussi, je regarde dans mon superbe support à CD, on a un nouvel album de Bio Bazar. Ah! Non, en fait, il n'est pas nouveau, mais on l'a reçu nouvellement ici. On va passer une pièce ou deux tantôt. Hey, juste cool. Pour se faire plaisir, à la chance. Au curateur précoce. Deux heures sur ta boîte de petit beurre, la fameuse avec les lettres, les photos de New Hampshire, ton voyage en amoureux avec Adèle de Bayeux. Je trouve son nom ridicule, on dirait une marque de pull. Elle voudrait me rencontrer, nous avoir pour déjeuner. C'est sûr, elle va m'adorer et elle a tellement insisté. C'est juste en bas, je t'ai laissé y aller tout seul. Maintenant je m'en mords les doigts. Tu m'as dit c'est trop dommage, elle fait si bien la cuisine. Je lui ferai bien mon potage à la nitroglycérine. La pile et le glutamate se chamaillent dans ma rate. Je me dis ça à chaque fois, je ne mangerai plus chinois. Le soir, te parler de temps en temps, sourions, serrons les dents. C'est vrai, c'est assez normal, je n'y vois pas d'inconvénient. Je ne vais pas faire un scandale, pour vous deux c'est important. Mais c'est là que ma jalousie, de ne pas savoir te dire oui, ça me fait un peu bizarre. Je suis jaloux. Kuma, dernière danse de leur tout nouvel album qui se nomme Des cendres et du désespoir ici à la chance au coureur, émission qui découvre avec vous les nouveautés musicales. Et donc Kuma, groupe pas mal, très viril en tout cas. Ça gratte. Si on peut dire ça, ça gratte virilement. Donc dernière danse, c'était la pièce de ce nouvel album-là. Si vous avez écouté hier soir l'émission Skypunka avec Brian Amel, c'est tous les jeudis soirs de 21h à 23h, il vous a passé plusieurs extraits de ça et de Bérurier Noir. Et ça fait changement de la musique qu'on passe d'habitude de la chanson courant. On va écouter d'autres pièces. On va commencer par When Chaos Comes. Et puis après ça, on va entendre un autre album qu'on a reçu aussi du côté pop, populaire, francophone, qui s'appelle C'est Paul Carniello avec Brûler le jour. Ça va être très bon ça aussi. Donc restez avec nous. Et puis plus tard dans l'émission, Danny, on a parlé tantôt d'un petit peu de musique électronique que tu vas nous faire jouer. Il va y avoir du robot pop et un paquet d'art. Finalement, on a-tu les frères Goyette? Les frères Goyette? Ah, je sais pas. Va falloir aller voir ça. Ça serait bon. Peut-être la semaine prochaine. On va faire sinon, des pressions. La semaine prochaine. Des pressions pour cette semaine. Qu'est-ce que t'en penses? Ben, ça serait bon cette semaine, me semble, les frères Goyette. Ah, on aime ça, nous autres, la bonne musique. Tout de suite, Kuma, When Chaos Comes, à la chance. Au courant. When chaos comes, I go and walk as my heart. impérialiste. Des Pierre Trudeau, des Jean-Baptiste, c'est fatigant. Efficace de gagner sa place en tout temps, c'est fatigant. Des artistes un peu tristes qui se plaignent tout le temps, c'est fatigant. Comme ils sont pesanti. Questi politici, come son pesanti, questi Berlusconi, ma com'è pesante, sto cazzo di Rai, come mi rompe, questo Sanremo, sei pazziga. Amis que tu t'es mis à dos. Le Titanic de l'amour qui prend l'eau. Le fond du trou, les égaux, les égouts, les moyens du bord, les moyens termes. Et le Moyen-Orient, alors, oh non! Et tout le tralala, et le grand Manitou, et tout. C'est fatigant d'être sans le sou, d'être sans dessus, dessus. C'est fatigant! Pousser des enfants équilibrés en solitaire sous le seuil de la pauvreté, d'avoir les ovaires à l'envers sur un horaire stressé, faut être équipé, cash pour procréer. Ça a l'air, c'est bien fatigant de se prénommer Pauline et d'aspirer siéger au top du Parlement. Après tout le chemin qu'on a fait, la majorité des jeunes filles rêvent d'être chanteuses. C'est vachement fatigant. Contre les communistes, contre les trotskistes, contre les socialistes, c'est fatigant de courir après son temps et d'en mourir. C'est fatigant. C'est fatigant d'être gêné. C'est fatigant. C'est fatigant d'être complice. C'est fatigant quand ça a l'air facile pour les autres. Puis tout est en sport. C'est fatigant quand on arrache tous les amis. Ils disent lâche pas, lâche pas. Quand t'es dans le trou puis tu te fais sermonner. Fais ci, fais ça, fais ci, comme ça. C'est fatigant. C'est fatigant. J'aspire sa salive pour qu'il ne se rappelle pas. C'est fatigant. Avec toi, I'll reach to my mail slack. Ne lis pas cette lettre. Ne lis pas cette lettre. Ne lis pas cette lettre. Ne lis pas cette lettre. Ne lis pas cette lettre. Vers moi, je suis agité dans mon sommeil, je suis témoraire, je n'ai rien à peur. Je vais prendre froid, j'ai laissé mon chandail à la maison. Mon âme ne souffre pas de ne pas avoir les os brisés. Bien quand je suis tout seul, mais beaucoup mieux avec toi. I'll reach to my mail slot. Ne lis pas cette lettre. Ne lis pas cette lettre. Ne lis pas cette lettre. Ne lis pas cette lettre. Ne lis pas cette lettre. Paul Carniello, l'album s'appelle Brûler le jour. Et la pièce qu'on vient entendre avait un featuring de Fred Fortin dessus. La pièce s'appelle Ne lis pas cette lettre. Juste avant, c'était un featuring de Thomas Jensen, Marco Cagliari, Ivy et Eve Cournoyer. La pièce s'appelait Fatigant. Ça vient d'album Brûler le jour de Paul Carniello. Et j'ai bien aimé. Tani, qu'est-ce que t'en penses? Ben, à date, les extraits qu'on écoutait, c'était super bon. Ils faisaient différent. Puis chaque pièce a l'air d'avoir vraiment une saveur différente. Une personnalité. Il y a d'autres featuring aussi. Une pièce avec Jim Corcoran. Jim Cochran. Et une avec Vincent Vallière. Je sais pas, je suis un petit peu déchiré. J'avais envie d'entendre la première pièce de l'album, Une rose noire, mais en fin de compte, celle avec Vincent Vallière risque d'être bonne. Donc, je pense qu'on va y aller avec ça. Mais parlons un petit peu, par contre, de Paul Carniello, notre bon ami. Allez voir son site web, si vous voulez. C'est beatpromo.ca. Ça doit pas être ça, mais en tout cas, il y a des artistes engagés, il y a des artistes engageants, dit son dossier de presse. Paul Carniello, lui, représente les deux versants de la montagne et incarne le lien inaltérable et originel entre le fond et la forme du folk rock. Paul Carniello, troubadour intègre, défendant des positions militantes par des textes humanistes et activistes, un poète béni s'inscrivant dans la dualité linguistique de sa ville, auteur-compositeur-interprète défendant des textes rebelles et rassembleurs de ses deux communautés et adepte d'une musique pour souder une unité musicale et solidaire. C'est une belle description. Oui, très belle mission. Brûler le jour est son premier album en français. Paul Carniello a décidé de construire un pont créatif entre les deux solitudes et ainsi créer une convergence manifeste. Ainsi, l'album est enrichi de la présence d'artistes reconnus, comme, je le disais, Jim Corcoran, Vincent Vallière, Eve Cournoyer, Thomas Jensen, Ivy, Marco Cagliari, Fred Fortin, The Frontline et Tim Dub Doyle. Une véritable alliance musicale fidèle à sa signature sonore. Un métissage de rock, reggae, soul et blues. Le premier extrait radio et vidéo qui nous suggérait, c'était Le Pire, une perle pop où Paul démontre sur un air lumineux que l'oubli, l'indifférence et l'ignorance sont tous des facettes d'un même mot cruel, l'injustice. L'album Brûler le jour de Paul Carniello sera disponible dans les disquaires, chez les disquaires, le 27 février, sur disque Anubis. Hein? Donc voilà, on va écouter une autre pièce, une troisième pièce de Paul Carniello avec Vincent Vallière. Voici « Faut que je m'y mette à la chance ». Au coureur. Déneiger le char, manger bio, manger moins gras, puis manger moins souvent c'est bas. Et juste avant de partir, prendre un instant pour se dire, faut que je m'y mette, faut que je le fasse, faut que je m'y mette, faut que je le fasse, faut que je m'y mette, faut que je le fasse, faut que je m'y mette. Faut que je le fasse. dans une appart ordinaire, avec la vaisselle de sa mère, le même frelard, le même tapis, puis la même maudite tapisserie. Puis moi qui me dis à tous les voix, faudrait vraiment que je retape ça. Faut que je m'y mette, faut que je le fasse. Faut que je m'y mette, faut que je le fasse. Faut que je m'y mette, faut que je le fasse. Faut que je m'y mette, faut que je le fasse. Coucher dans le divan à chaque soir, zapper aux pauses publicitaires, partir sur une bouse, se revoir sous son banc d'école secondaire. Mais pourquoi le bonheur m'échappe? Tout ce que je veux, c'est me faire une place. Faut que je m'y mette, faut que je le fasse. Faut que je m'y mette, faut que je le fasse. Des politesses pour le principe, peu de monde qui en a, rien à crise. Être prêt, pis bon, tout le temps. Être débrouillard, pis convaincant. Être déspondé, diplomate. Être diplômé, pis bon, en a. Être transparent, pis conscient. Être bon marché, pis bon vivant. Moins compliqué, me semble que tout était couseux. Me semble que c'était moins compliqué. J'en perds le fil, je suis perdu. Mais pourquoi le bonheur m'échappe? Tout ce que je veux, c'est me faire un petit place. Faut que je m'y mette, faut que je le fasse. Faut que je m'y mette, faut que je le fasse. Faut que je m'y mette, faut que je le fasse. Faut que je m'y mette, faut que je le fasse. Faut que je m'y mette, faut que je le fasse. Faut que je m'y mette, faut que je le fasse. Faut que je m'y mette, faut que je le fasse. Faut que je m'y mette, faut que je le fasse. Faut que je m'y mette. Au retour, Robopop, Robopop go! À la chance au coureur. Représentons le rap au moins une fois dans la session de la chanson coureur. Voici Classic avec United as One du nouvel album La Redéfinition. Make some noise for Mathieu. In the house. Flows without a crappy sentence. Police trying to fuck up my happy ending. Tell me who you wanna be, Harry and certainly not me. Won't have me spending cash. Dealing on crack, getting all scratch, stealing all stash. I'll let it fall back. If it's all bad, I admit it to you. If you solve that, I can spit it to you. But don't act like you're good with you. Or don't rap and consider you stupid. A student in class or without a professor. You're losing it fast while I'm a progressor. We can we've been chosen, so we control it. No matter what, yeah. Till we old man, we'll be so yeah, and your whole skin. No matter what, yeah. Step into a world, we gon' break ya, shake ya, show ya how it's done, girl. Ain't no one to do it better. We gon' break ya, shake ya, show ya how it's done, so we can meet later on to unite as one. Déséquilibre, défie les probabilités. Le style soulève la vibe avec trop d'habilité. Une erreur en un, musique, parole et auditeur. Trouver sa voix c'est bien, mais ça fait aussi peur. Quand ça recoute, tu coûtes, t'ajoutes pas une goutte de doute. Si en plus personne s'écoute, ben c'est le bout de tout. Je greffe ma griffe comme un graphe sur le mur du son. Fruit défendu, millier mur, tu le sens douloureux. Comme une ex sexy, fait que tu shakes ton mari avec une crise d'épilepsie. Même si tu t'y attendais, ça t'étonne le temps, l'argent. Moi j'en ai pas des tonnes, chez que t'en veux, c'est tant mieux, t'es chanceux. Je représente ceux qui veulent changer les enjeux. Ah ouais, pas le temps de jouer les anges, ouais. J'ai des cibles à trouver, des poches à renflouer. We composing, we've been chosen, so we control it. No matter what, yeah. Till we old man, we'll be so yeah, and your whole skin. No matter what, yeah. Viens dans mon coin que je te montre comment faire. Je lève bien mon point jusqu'à ton commentaire. Je fais passer le message subliminal, mais loin des discrets. Voix qui te parle, un beat qui distrait. Les choses changent, on n'a pas le choix de s'adapter. La vérité dérange, c'est pas trop dur à capter. L'équipe est occupée, on établit le contact. Plus tu es à l'entraînement, moins tu saignes à combat. I got a corporation project, absorb knowledge as a glomeration process. Y'all know I can't go against logic. Even worse, go with the nonsense. Rhyme sliding, sounding so malicious. I ride in silence, know what this is. It's prime, Jekyll and prime for y'all. I got a second to move, the other time the brawl. We compose been chosen, so we control it. No matter what, yo, till we old, man, we'll be soaking in your whole skin. No matter what, yo, step into our world, we gon' break ya, shake ya, show ya how it's done, girl. Ain't no one to do it better. We gon' break ya, shake ya, show ya how it's done, so we can meet later on to unite as one. Classique, la redéfinition et le nom de l'album et la pièce United as One qui a la chance aux coureurs. C'est un groupe de rap, funk, hip-hop de Québec. Vous pouvez aller voir le abusivemusic.ca, abusive avec un Z et music avec un Z et un K à la fin.ca. Les membres sont Frim and Jekyll Molotov. Et puis myspace.com/la redéfinition et leur MySpace où vous pouvez entendre plusieurs pièces dont United as One et d'autres telles que Avenue Classic, Selection Imperial et la redéfinition. Voilà qui fait le tour du rap pour cette semaine. Je vais commencer à parler un petit peu de Robopop parce que c'est le disque que j'ai écouté cette semaine au complet. Mais on va commencer par se taper un bon vieux classique de Robopop, la pièce que tout le monde a dans la tête pendant toute la journée après l'avoir entendu. Voici Robopop Go. À la chance, au coureur. Secrète qui fera de toi une vedette. Dans les médias du monde entier, les gens seront tous invités à devant toi se prosterner. Chanteur, toi. Incroyable. Robopop Go de la formation Robopop, c'est sur leur nouvel album Ratopolis. C'était aussi un single qu'on a joué pendant des mois. C'est fou. C'est-tu leur premier album même? Oui, oui, oui. Parce que c'est ça, on avait eu un single, t'avais bien aimé, on avait bien aimé même. J'ai trouvé une biographie pas super récente, mais quand même, il y a rempli de renseignements sur CBC Radio 3. Robopop est né suite au résultat d'une session d'enregistrement en studio. Jean-Philippe Paré avait alors décidé d'enregistrer quelques chansons de son répertoire rock francophone alliant programmation électronique et clavier à des guitares mordantes. Accompagné par son frère Daniel Alexandre Paré à la guitare et de Anthony Dryberg à la guitare et Stéphane Viel à la batterie, Jean-Philippe a passé plusieurs mois à travailler sur ce qui allait devenir le mini-album L'Invasion des tondeuses vampires. Suite à l'apparition de cet opus, les événements s'enchaînent rapidement pour Robopop. Souhaitant faire de ce projet un groupe en bonne et due forme, Éric Morin à la batterie et Hugues Harvey à la basse se joignent à Robopop pour compléter la formation officielle. Le mini-album fait bonne figure sur les palmarès radio, dont ACISM à Montréal, Assez Fou à Trois-Rivières, où la pièce Rodéo a atteint la première position du top 40. Ça, c'est ACISM. Et depuis, Robopop a atteint le numéro 1 du palmarès bandeapart.fm de Radio-Canada. C'est diffusé dans plusieurs radios universitaires et communautaires, dont Chiz à Québec, où le mini-album a atteint la deuxième place du top album. Et les internautes semblent aussi apprécier le groupe, la chanson Tornado Tondeuse, ayant atteint la première position du Baposcope du bandeapart.fm pendant 3 semaines consécutives. Le mini-album distribué en magasin par les tirailleurs a aussi obtenu une note de 4 étoiles sur 5 dans l'édition montréalaise du journal Voir. Voilà. Donc, Robopop, très bon. J'avais de grosses attentes par rapport à l'album, étant donné la pièce Robopop Go et Tornado Tondeuse et tout ça. Je dois dire que j'ai été un petit peu déçu par l'album. J'ai pas le choix de le dire. Par honnêteté, j'ai trouvé que les pièces étaient un petit peu toutes pareilles. Je sais pas si c'est la joke avec Robopop. Peut-être que c'est fait pour être répétitif, pour être comme du pop. Je sais pas. Si c'est le cas, c'est un petit peu trop subtil pour moi. Est-ce que t'as écouté l'album beaucoup de fois? Oui, 3-4 fois. Okay, okay. C'est ça. Je me disais peut-être qu'après quelques écoutes, tu vas ça dire ça s'est amélioré. Oui, exactement. Okay. Il y a beaucoup de pièces qui m'ont accroché. Puis il y a des, je dirais que sur les 14 pièces de l'album, bon, 4-5 pièces sont très, très, très bonnes, assez pour être dans les palmarès de C'est Fou. Mais j'ai trouvé que le reste était vraiment une espèce de ramassis de redondant. Toutes les mêmes affaires, c'est ça. Mais, comme tu dis, première, deuxième fois, troisième, quatrième fois, cinquième fois, c'est quand même bon, j'aime ça. Donc, on va aller entendre une deuxième pièce, une pièce qui s'appelle Ratopolis, très très bonne celle-là. Et puis, si je peux croire les buissons qui me parlent souvent, ça pourrait être palmarès. Vous êtes à la chanson coureur, l'émission qui découvre avec vous les nouveautés musicales sur C'est Fou. La pièce Ratopolis de Robopop de leur nouvel album du même nom. On continue, on va entendre derrière moi la pièce Interlune 2026, Le futur était hier. Une pièce d'intermède entre les deux pièces. La prochaine sera Le Plan, mais les 30 prochaines secondes pour vous dire que Robopop est au robopop.ca. Ils vont être en spectacle le mardi 20 février au Liquor Store à Québec pour le lancement du premier album Ratopolis. Et c'est gratuit de 17h à 19h. Et le jeudi 22 février, ils vont être au Petit Campus à Montréal pour aussi lancer l'album Ratopolis. Et c'est encore une fois gratuit. Il va y avoir présentation du vidéoclip, prestation, album à prix réduit. Et l'album va être en magasin, l'album Ratopolis, à partir du 20 février. Quand même un très, très bon album et je suis certain que ça va encore continuer de rouler assez fou. Tout de suite, voici la pièce Le Plan sur La Chance au coureur, l'émission qui découvre les nouveautés musicales avec vous au 89.1 FM. C'est fou! Du nouvel album Ratopolis de Robopop à La Chance au coureur. Que c'est bon! C'est bon! J'étais en train de lire le PDF de press kit que la formation nous a envoyé, que je viens de retrouver comme ça. Et puis, j'ai quelques informations supplémentaires à propos du groupe. Ils étaient le 27 septembre dernier à l'Embuscade de Trois-Rivières. Donc, ils sont passés par le coin, oui, au moins une fois. Robopop, présentation. C'est un mélange de guitare et de clavier pour offrir un rock francophone contagieux qui pourrait les faire sortir de Québec Rock City. Robopop est la résultante du travail de Jean-Philippe Paré qui s'exerce à créer un rock francophone puissant en alliant programmation électronique et clavier à des guitares mordantes. La plume précise, unique et caractérielle de Jean-Philippe Paré nous sort des sentiers battus. Voilà, sur le mini-album L'Invasion des tondeuses vampires, Anthony Dryberg à la guitare et Stéphane Viel à la batterie ont également contribué au son du projet Robopop. Après l'apparition du mini-album, Éric Morin a pris place derrière la batterie. Il y a un paquet de membres qui sont entrés et sortis de la formation Robopop. Et voilà, c'est solide, énergique, mélodique et nouveau, c'est ce qu'a dit le document de presse. Et vous, pour ceux qui seraient jaloux, il n'en tient qu'à vous, la pieuvre se chargera de vous. Ok, c'est bon. Allez voir robopop.ca, c'est leur site web. Il y a plein de bonnes pièces sur l'album Ratopolis. On va en entendre une dernière pour terminer cette première heure. Elle s'appelle Yes No Toaster. Et c'est ce qu'on écoute à la chance au coureur. Snow Toaster, la formation Robopop, leur album Ratopolis, ici à la chance au coureur. Et on a encore quelques minutes, donc on va passer une dernière pièce de la formation Robopop. On va écouter Verbomoteur. Et dans la deuxième heure, restez avec nous parce qu'on va voir de nouvelles pièces de Gestation Rap, le groupe trifluvien par excellence, le futur de la musique, comme j'aime bien le dire. Mais tout de suite, Robopop, Verbomoteur. Parfait, c'était la Retour, c'est la deuxième heure de La Chance au coureur, l'émission qui découvre, analyse, critique et décortique les nouveautés musicales reçues à ses fous depuis les 7 derniers jours. Mon nom est toujours Mathieu Plante. Dans la première heure, on a entendu un paquet de bons artistes, dont Paul Carniello, Robopop et un paquet d'autres choses. Mais cette deuxième heure va être encore plus spéciale parce qu'on a un groupe trifluvien à l'intérieur. On a reçu quelques nouvelles pièces, en fait deux de la formation Gestation Rap, une formation de rap humoristique locale. Et on va entendre les pièces Dans le monde de Zéphyr, Part 1 et 30 piastres. Et puis on en parle au retour. Voici Gestation Rap à La Chance au coureur. Bonjour, bienvenue dans l'incroyable monde de Zéphyr. Bonjour, bienvenue dans l'incroyable monde de Zéphyr. Le monde de Zéphyr, c'est Gestation Rap. Gestation Rap, c'est le monde de Zéphyr. Tu fires, tu tires, tu cires, tu tires. Tire mes souliers, je vais te donner un plancher. Gestation Rap, on est là, instrumental. Dans le monde de Zéphyr, on fait pas trop de bruit. On arrive puis on est un petit peu silencieux. Même si tu sais c'est quoi ce que c'est, que c'est sérieux. Sérieux comme une moustache. Sérieux comme un curé. Sérieux comme un curé qui a une moustache. Donne-moi un 3-2-2. J'ai mon ami qui joue de la guitare. C'est pas vraiment une guitare, mais c'est pas vraiment mon ami. Respire un peu par le nez. Remplis le fond de ton estomac. Prends une grosse bouffée d'air et expire par la bouche. Deux, trois, zen, deux, trois, quatre, respire. Deux, trois, zen, deux, trois, quatre, médite. Deux, trois, zen, deux, trois, quatre, respire. Deux, trois, zen, deux, trois, médite. Deux, trois, zen, c'est le mathématicien. Deux, trois, zen, deux, trois, quatre, trois, zen. Le mathématicien, c'est colonel. Mystique colonel. Et pas peur de dire si tu penses vraiment tu sais des idées à comprendre comme t'es. T'es fait à chaque facilement, pas de marche à clair, à terre, platement. Ouais, pas toi la place. Et puis toi, il achète la main de capitaine, qui est de mère, qui est de haine. Il a capitaine. Il a capitaine. Et pas peur, pas peur, et pas peur. Capitaine, clac, clac, clac, clac. Capitaine ne pas chanter qu'elle se met. Capitaine ne pas rapper avec elle se met. M-Smat, c'est moi, 5 mois, pas toi, pas lui, pas elle, pas il, la carrière, s'il vous plaît. M-Smat, c'est facile, dollar à mode, dollar à clip, dollar à chat, dollar à pop, pop, pop, pop. Popcorn, pop son, pop skin, pop single, avec Poco marqué sur le pantalon. C'est moi, le micro, c'est moi, pis pas toi. Le micro, c'est l'autre, pas lui, c'est toi. On fait one, clap, this is one, mac, mac. M-Smat, dis tout le monde ce que c'est. Sainte-Cécile, c'est pauvre. Moi, je suis riche. Quand je vois des pauvres, moi, ils font wouf wouf. Moi, les astuces d'affaires de condo de luxe, t'as moins c'est pas toi, ils travaillent pour du pas d'argent. Quand tu vois des petits conteneurs, par nous linge dans les emplois, qui brûlent. Brûler. Tu travailles pas fort pour ton argent, pas un problème. T'as l'air d'un pauvre, pas fort pour mon problème. T'es habillé comme une marque, pas fort pour mon problème. T'as un cul, pas fort, pas moi, pas mon problème. Argent et bijoux, tout ce qui est beau, tu vas me parler. M'adresser la parole avec un S. Comme Sandrine, Céline, Sylvie, Sophie, Saga, Saga, Saga City. Hein? C'est quand qu'il pleut. J'espère que c'était pas la mienne. Il pleut souvent. On va me couper par terre parce qu'il y a du monde comme Voltaire. Fait des textes, c'est bien bon, bien fun, bien du fun, mais moi aussi, c'est pas ta vie. La joie, Puis j'y mange la marde la soirée en un Mathieu avec MC Cindy Lauper. Donne-moi des belles temps. Puis vous nous chantez ça. Hey, Zachary, les popstars, va nous faire chanter une chanson. Puis j'y mange la marde. Mais qu'est-ce que c'est que moi qu'on va faire ça ce soir là? Sais-tu, quand il pleut là, c'est où que ça se passe là? Mm-hmm. Si c'était l'année là. Quand il pleut? Tant comme ça là. Quand il pleut. 96. C'est quand il pleut. C'est quand il neige. Il pleut souvent. C'est comme en 96. C'est quand il pleut souvent. C'est quand il pleut. C'est quand il neige. C'est comme en 96. C'est comme en 96. Je te le dis, c'est une main de mon gars. Donne-moi des belles chansons. Faudrait les attacher et les vendre chez lui. People in the street will always beat. People in the street will always beat. Step up, step right. Step up for your right. You'll never stay there before your stay. People on the street will always write. People on the street will always write. You don't know what you don't meant to be. Cause you never stay here but help me. People on the street will always write. People on the street will capable de jouer de la pâte à modeler, de faire des affaires avec cool. Oui, yeah. Et voilà, c'est un bon beat. J'aime si Matt Machine. C'est un bon beat. Mike, c'est un bon beat. On est des vrais mecs, toute la gang qui s'amuse ensemble, un rap. On aime la dingue, tricotant, tricotant, tricotant, que pour pas. On s'amuse comme des contenus. On est vraiment gentils. On aime ça, prendre la brosse, on s'amuse bien. Moi pis MC Smart, on fait du clap, on s'amuse comme des fous. On est malade comme des malades, on est sous. Notre bloc exclusif de Gestation Rap continue. Voici 30 piastres à la chance au coureur. Qu'est-ce qu'on se rappelle dans vie? On se rappelle de quoi, la gang? On se rappelle de l'année 2006. Jamais trop, jamais dit, jamais pas assez. Jamais si, jamais fi, jamais compte de filles. On est type dans la base d'un sous-sol, basement. Puis on sait c'est quoi, qu'est-ce qui est pas bon, puis qu'est-ce qui est le piment. Pimenté, piment pas, piment si, piment ça. On est dans la vie du vrai monde. On sait qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que c'est. On sait qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que c'est. Les trous de cul de la ville s'en viennent scraper notre place. Faut watcher nos fesses avant qu'ils nous fassent. Je te le dis, MC, c'est une gang de débiles. Faut leur fendre la face, puis leur charger le ville. Faut leur fendre la face, leur charger le ville. Leur charger le ville. Leur charger le ville. Charger le ville, j'suis pas sûr de ça. Moi j'suis un gars fin avec le monde, pis j'leur donne la chance de vivre leur vie, de faire ce qu'ils font jusqu'au fond. Parce que tu le sais jamais ce qui se passe dans la tête de quelqu'un. Tu sais jamais qu'est-ce qui se passe dans la tête de je vais faire ça puis ça va être mieux, mais tu sais pas vraiment. Tu fumes des cigarettes en sachant que tu vas avoir le cancer. Tu fumes des hivers en sachant que tu vas être un Sénégal. Sénégal, man. Sénégal, man. Sénégal, man. Sénégal, man. Attention. Oh, attention, place à DJM Del M. S'en vient dans vos oreilles, dans ta face, dans ta bouche, dans ton nez. Ici d'avance, c'est l'estime de place, le grand air, la forêt, puis le patin à glace. Sur le lac en été, je me faisais griller le hache. Je fourrais ta grand-mère, ton grand-père, jacasse. Grand-père, jacasse. On s'en va, c'est vrai. À Laval. Ta grand-mère est de Laval. Grand, grand, grand, grand, maman. Ça fait deux si on sait compter. Mais si on sait pas compter, on peut dire que ça fait bleu. Parce que moi je sais dans la vie qu'est-ce que ça fait bleu. Quand tu baignes dans une piscine, c'est que ça fait bleu. Moi j'aime ça quand ça fait bleu parce que je bois du jus. C'était le blanc, le bleu, le rouge, le vert. C'était une histoire de dents, perdu en hiver. Que c'est en avance le smat, c'est-tu toi le colonel? Ben ah ouais, prends ma place, puis donne-nous-en vos 30 piastres. Puis donne-nous-en vos 30 piastres. Moi j'ai reçu une autre speech comme Kick and Flame Man. J'ai pas peur de m'enflammer des flammes, man. J'suis comme l'autre qui dit, hey, t'as pas le choix, man. J'suis comme Don Astor dans une salle, man. J'ai pas le sound du son de Mankind, man. J'ai pas peur de dire, I still believe, man. J'ai pas peur de faire de can like them. I like the style, I like the break, man. Ouais, un petit snap, man. J'parle en deux cover quand ils m'ont écouté pas la tune. Ton courou, man, check ton quartier. Tire-toi une ligne de paparce, man. T'entends-tu la sonorité, man? T'entends-tu le son qui kick Louis? C'est moi, MC Smack, tout le temps de retour avec tout le monde qui me parle. On me dit quand j'ai du succès, je me fous de toi, je suis une vedette, I still believe in mine. J'ai pas peur de dire des choses ben osées. Genre, Kai, tu le connais déjà, tu me connais pas. Dis pas que tu connais Gestation Rap, c'est still believe in myself. J'ai pas peur du noir seulement, j'écoute-moi pas parler. Maximum de respect pour MC Smack. Maximum de respect pour MC Smack. 30 piastres pour Gestation Rap, 2 piastres exclusives à la radio de C'est Fou, 30 piastres et dans le monde de Zephyr Part 1, c'est ce qu'on vient d'entendre. Et c'était, ma foi, très excellent, un gros 12 minutes de Gestation Rap. Si vous ne les connaissez pas encore, allez voir le myspace.com/gestationrap ou encore le purevolume.com/gestationrap pour entendre des extraits de leur album Tous Ensemble Ensemble. Ils nous envoient quelques pièces à chaque quelques semaines ici à la Chance au Coureur et on est toujours très heureux de les faire jouer. Donc soyez là avec nous à toutes les semaines pour entendre de nouveaux extraits de Gestation Rap. Prochain groupe qu'on s'en va entendre, c'est la formation Germans qui nous envoie un album qui s'appelle Cape Fear qui va sortir le 13 février prochain. Selon leur dossier de presse, et que je trouve très très drôle avec leur belle petite photo d'eux en train de faire des affaires drôles comme faire une vision de je sais pas trop quoi. Puis l'autre, il a l'air tout fini. Puis l'autre, il me donne un finger, des affaires comme ça. Très sympathique. Donc leur album Cape Fear a été enregistré à l'été 2006 chez Go Get The Found Gallery. C'était mixé aussi au studio de Mastercraft, si vous connaissez Mastercraft sans les A dans son nom. Ça va sortir le 13 février prochain. Et puis selon le dossier, les points vendeurs, ce qui fait que vous allez vouloir faire peut-être écouter cet album-là ou dans notre cas le faire jouer. Ça dit que ça sonne super bien, que ça a été produit par Mastercraft, que tout le monde adore, et puis que la couverture est super belle, et qu'il y a au bijou en artiste invité, et que vous êtes les meilleurs. C'est pour ça qu'on va les faire jouer. Voici Germans avec une pièce qui se nomme Tiger Vacuum Bottle à la Chance au Coureur. We'll be right back. license is greater to hold out for our best devices for after la pièce Tiger Vacuum Bottle de la formation Germans de leur nouvel album Cape Fear. On continue tout de suite. Voici une deuxième pièce, No Job, suivie de I Am the Teacher. À la chance, au coureur. Au retour, plus de Germans et Cape Fear à la chance au coureur. Vous écoutez la chance au coureur. Formation Germans avec l'album qui se nomme Cape Fear. On vient d'entendre trois pièces de cette formation. Celle qu'on vient d'entendre, c'est No Job. Avant ça, c'était I Am the Teacher au début du bloc Tiger Vacuum Bottle. Très bonne formation, Germans. Quelque chose qui a du futur. Peut-être pas le chant en Allemagne. Germans, like, c'est une belle photo de famille qu'ils ont. Oui, c'est vrai, c'est sur leur myspace.com/Germans, aussi simple que ça, pour aller voir leur superbe photo, leur portrait Walmart-esque. C'est un groupe de... T'as déjà vu le même genre de portrait avec Anthony puis Dave? Non, avec les gars de Gestation, Gestation Rap. J'allais pas le dire, C'est hallucinant, on dirait que c'est la même chose. Ils l'ont fait faire justement chez Rossi ou quelque chose du genre. Si seulement on avait un site web pour afficher toutes ces belles photos. C'est vraiment beau. Le site web sera de retour dans quelques semaines pour ceux que ça intéresse. Mais bon, The Germans, c'est un groupe d'indépendants gothic pop. Allez voir naturesmouth.com, mais si vous allez sur naturesmouth.com, ça dit « Notre site est à chier, allez sur myspace.com/German ». C'est pas mal ce que ça dit en bon anglais. Donc voilà, les membres sont Zinen, Zonen, Zen, Zonen, Zinen, Zinen, Zinen, Zinen. C'est ça qui est écrit dans leur MySpace. Zinedine Zidane est aussi là-dedans. Et sur leur myspace.com/German, vous allez pouvoir entendre des pièces qu'on a entendues. I Am The Teacher et Tiger Vacuum Bottle. Très bon groupe, voilà, qui est dit pour ça. Ça va faire assez parler d'eux, hein, n'est-ce pas? C'est vrai. Et pour ceux qui n'auraient pas marqué Danny Janvier de retour, tu vas nous parler dans quelques minutes de quelques affaires intéressantes. Oui, Original Recipe, c'est l'album que j'ai apprécié le plus, que j'ai écouté. Ça donne faim, toi, là, par ouais, exemple. Oui, mais ça donne faim aussi. Pour vrai, leur concept est vraiment autour de la nourriture. Du PFK ou... Non, en général, c'est plus fancy. Comme la chanson coureur. Yes. Tout à fait fancy. Yes, sir. Prochain groupe qu'on s'en va entendre, c'est The Good, The Bad and The Queen. Et voici la pièce History Song. On en parle au retour à la chance. Au coureur! Chance au coureur, l'émission qui découvre avec vous les nouveautés musicales reçues depuis les 7 derniers jours. Ce que vous entendez, c'est The Good, The Bad and The Queen, la pièce History Song de leur album À ce que je vois éponyme. On va entendre une deuxième pièce dans quelques secondes qui se nomme Soul's Life. Un petit peu de recherche sur le groupe, on en parle au retour. Vous allez savoir tout ce que vous avez à savoir sur ce groupe-là. Au moins les grandes lignes. Hein? La chance au coureur sur C'est fou 89.1. Zephyr. Good, the Bad and the Queen avec So's Life. La chance au coureur. Juste avant, c'était une autre pièce de History Song. Il nous reste une dernière pièce à entendre dans quelques minutes. Mais avant, parlons un petit peu de ce groupe qui est The Good, The Bad and The Queen. Premièrement, c'est un nouvel album et le nom du groupe, donc les deux se nomment pareil, avec Damon Albarn de Blur et Gorillaz, Paul Simonon de The Clash, Tony Allen de Africa, 70 Fela Kuti et Simon Tong de The Verve. Donc, leur groupe a commencé dans leur studio en 2004. Damon Albarn et le guitariste Simon Tong avaient voyagé au Lagos pour enregistrer avec le vétéran drummer et le pionnier de l'afrobeat Tony Allen. Travaillant avec des musiciens locaux, le trio a enregistré un album et de retour en Angleterre, Damon est en train de terminer l'album Demon Days des Gorillaz. Donc, le projet avait été mis sur le rond en arrière, comme on dit en anglais. Et voilà, donc l'histoire continue comme ça jusqu'à temps que l'album sorte. Et ça dit que The Good, The Bad and The Queen est un voyage des traditions du musical anglais jusqu'à l'Afrique de l'Ouest pour l'Afrobeat, faisant un zigzag dans les West Indies pour son reggae et son dub. Ensuite, on revient en Angleterre à la scène punk de London. Et puis tout ça en mélangeant un petit peu de beat music britannique des années 50 jusqu'au Britpop. Voilà, c'est approximatif comme traduction, mais ça donne ça dit. Et puis ça dit que le titre de Good, the Bad and the Queen est une ligne dans une des chansons. En fait, c'est le climax de l'album qui disent, et je cite, It's the blessed routine for the good, the bad and the queen. Qui veut dire c'est une routine bénie pour les bons, les mauvais, les méchants et la reine. Donc c'est une autre façon de dire que ça parle d'aujourd'hui, ça parle du présent. C'est ce que ça dit, l'album parle du présent. C'est la même chose pour tout le monde, c'est le présent. The Good, the Bad and the Queen est un hommage qui vient du cœur, un hommage à Londres, un document historique détaillé et un hymne aux possibilités du futur. Voilà. C'est ce qu'on dit de The Good, The Bad and The Queen. On va entendre une dernière pièce. En fait, on va entendre qu'un extrait parce que la pièce est plutôt longue. Mais c'est leur pièce titre. Voici un extrait de The Good, The Bad and The Queen. De The Good, The Bad and The Queen. Je pense que vous avez retenu le nom du band avec le nombre de fois que je l'ai dit. Hein. Allez, donc voir, tiens, The Good, The Bad and The Queen.com pour plus d'informations sur le groupe. Pièce éponyme de l'album éponyme d'un groupe tout à fait éponyme de Good, the Bad and the Queen. La pièce de Good, the Bad and the Queen. Juste avant, So's Life et History Song. Trois pièces de cet album qui mettent en vedette Damon Albarn, Simon Tong, Paul Simonon et Tony Allen. Il y a plein de bonnes informations sur leur page sur Wikipédia. Ça dit aussi qu'ils vont être au Coachella Music Festival de Indio en Californie en avril prochain. The Good, The Bad et The Queen à la chance aux coureurs. Continuons sur une lancée complètement différente avec Blitzkid, un groupe de horror rock. Un son qui va du métal au punk, au rock'n'roll des années 50. Un album supposément agressif, maniaque et sensuel. On écoute la pièce Starlight Decay dans quelques secondes à la chance aux coureurs. Pièce de Blitzkid, voici Mary and the Storm de leur album Five Cellars Below à la chance au coureur. Bob's clever watch late to sleep. Avec Mary and the Storm de leur album Five Cellars Below. Et on termine la deuxième heure par l'album de Demos Act 1 de Kurt Adam. Voici la pièce With No Regrets à la chance au coureur. Maybe you can help me find a way. Get outside of here. Everything's the same and it won't change. And all these days they feel like it's falling into a nightmare I can't see. And all these people are like me, wandering around, they play for keeps. I wonder if they see that every day of this lie is like a book. With every page worse than the last. Go ahead, look to the end and take a look to see the better days have passed. But we shouldn't wait too long, as I'm so bored, it's made me weak. I know you've heard it all before. Don't you think I'm tired of this speech? I need a new scene. Think it's time we got out of this place. Live our lives out of a suitcase. Leave it all and drive across the country. We got no place to be, so why don't we? With no regrets, we'll burn all our bridges. But don't forget that they're still suspicious of why we do the things that we do. And all the secrets I keep for you. Maybe if we give it one more day, we would forget about it all. Forget about the words we know they'll say every time you fall. I pull that wool over the eyes, but never learn to see. It's such an obvious disguise, but it works so perfectly. But we shouldn't wait too long, cause I'm so bored, it's made me weak. I know you've heard it all before. Don't you think I'm tired of this speech? I need a new scene. Think it's time we got out of this place. We can live our lives out of a suitcase. Leave it all and drive across the country. We got no place to be, so why don't we? With no regrets, we'll burn all our bridges. But don't forget that they're still suspicious of why we do the things that we do and all the secrets I keep for you. No Regrets de Kirk Adam, de l'album de Demos Act 1, à la chance au coureur. Ça, c'était acoustique, hein? C'était du folk indie, Kirk Adam. Ça faisait, c'est différent. Ça me faisait penser un petit peu à un genre de boy band quand ils jouent en acoustique. Et ça vient de Dallas, c'est ça? Ça vient de Hollywood, en Californie. Ouais. Et vous pouvez aller voir le purevolume.com/KurtAdam ou myspace.com/KurtAdamMusic ou encore son site web officiel qui est au KurtAdamMusic.com. C'était évidemment un album de démo, donc j'imagine qu'un album va suivre, peut-être. Je sais pas si ça dit de démo, c'est ce que j'en déduis, mais bon, qu'est-ce que j'en sais. Les influences: Connor Oberst, Elliott Smith, Billy Corgan, Tori Amos, Michael Stipe et Kurt Cobain. Kurt Adam est son nom. Et on va terminer cette deuxième heure par une dernière petite pièce qui va pas durer longtemps, mais quand même, ça s'appelle Wake Me Up de Kurt Adam. Et dans la troisième heure, Danny Janvier, de quoi vas-tu nous parler? Original Recipe. C'est vrai, j'avais faim tantôt, ça m'a donné faim. Ça va. La chance au coureur! Troisième heure de la chance au coureur, l'émission qui découvre les nouveautés musicales avec vous. Mon nom est toujours Mathieu Plante. Et le sien, Danny Janvier. Allô. Hola. Ça va? Oui, oui, oui, toi? Absolument. Troisième heure où on va entendre beaucoup de musique électronique. Et éclectique. Éclectronique. Oui. C'est ça. On commence par quoi donc? Oui, Original Recipe qui nous présente un nouvel album ou un premier album qui s'appelle Noisette. C'est beau quand même. Oui, hein? C'est un très beau nom. Et sur la pochette, on peut voir un très beau dessert. Là, ça donne faim. Mais pas de noisette. Non. Des noisettes? Non. Peut-être dans la recette. Mais on voit qu'elle est comme... Le dessert est comme déconstruit. Mm-hmm. Un petit peu de Photoshop là-dessus. Un peu comme l'album, peut-être, non? Ben oui, parce qu'il y a beaucoup de petits glitches, de petits sons qui viennent nous chatouiller les oreilles. Des distractions. Et qu'est-ce qui est le fun de ça, de Original Recipe? C'est qu'ils nous présentent les pièces et les... comme des blocs de pièces, comme un peu un quatre services quand on va manger, ouais. Avec une entrée, une deuxième entrée, un plat de résistance et un dessert. Donc, on va se promener nous aussi là-dedans. On va aller écouter ça. Et chaque pièce est décrite comme une recette ou comme si un chef décrirait qu'est-ce qu'on va entendre. Mais je vous parle juste avant que Original Recipe, c'est Dean Williams et Steve Masson qui se sont rencontrés durant les années 90 à Toronto. Donc, c'est un groupe ontarien et c'est très, très bon. Et ils ont décidé justement de prendre la musique un peu de la même façon qu'on prendrait une recette. Et pour créer des nouveaux sons, ben créer une nouvelle recette et des nouveaux goûts. Malaxer quelque chose. Exactement. Et c'est ça, c'est un mélange de... de trucs récupérés sur des vieux albums, comme un peu Maxime Robin peut faire, d'utiliser beaucoup de vieux vinyles dans des bins à une pièce, des trucs comme ça, mélangés avec des sons nouveaux ou des sons électroniques, des vrais instruments, des samplings. Donc, justement, un amalgame de nourriture pour les oreilles. C'est un blender musical, dans le fond. Exactement. Donc, là, c'est quoi qu'on entend, la pièce? C'est la deuxième pièce, okay. En fond. Est-ce que tu vas en écouter une en particulier? Bon, on va vouloir en écouter une en particulier, bien sûr. Bien sûr. Mais, c'est ça. Au début, je vais vous parler de la pièce. On peut commencer avec la 4, qui s'appelle This Way, qui est une coupe du centre, comme une pièce de viande. Un nom composé. Ouais, c'est ça. Bien, ouais. Donc, une coupe du centre à l'erreur, vous voyez? OK. Uh-huh. De 40 onces. OK. Le poids de la coupe. Donc, c'est ça, c'est une pièce de viande de 40 onces. Ouais. Donc, on va écouter This Way et tout de suite après, on va revenir avec Climax et The Chase. Et si tu veux, Climax, on dit la recette, c'est battre les côtelettes fermentées dans un klaxon écrémé, arrosé de Rhodes Pedal. Des Rhodes Pedal, c'est un genre de clavier avec des pédales au bout. Okay. Et des Stutter Cut. Je ne sais pas c'est quoi Stutter Cut. On va l'entendre en pièce? Oui. Tout de suite à la chanson coureur. c'est ça, Original Recipe. Très bon, très bon. Hein. Un mélange de glitch, de un peu tout croche, mais pas tout croche parce que tout est programmé, ouais. Tout est préparé, et de trucs très planants. C'est ce qui fait vraiment le charme de ça, c'est le petit côté glitch et le petit côté planant. Même c'est la saveur de la recette originale. Exactement. Prochaine pièce qu'on s'en va entendre? Ça va être la pièce Climax. Climax. Donc, préparez-vous à atteindre le climax. Juste là, là. À la chance, là. Au climax. Oh. petit peu de dessert pogné dans les dents. Cette recette originale, donc on avait la pièce Climax, Original Recipe. Si vous aimez ce que vous entendez et que vous avez le goût d'y goûter un peu plus longtemps, ouais. Eh bien, ils seront à Montréal le 3 février au Lighthouse et le 2 février, juste avant, le 2, c'est un vendredi soir, juste pour vous dire, c'est à la Galerie Rouge. On écoute la pièce de Chase à l'instant. Amis Jacqueline et Gillette, une bien grosse. Oui. On les salue. Salut. C'est nos fidèles auditeurs. Fidèles. Moi, j'aimerais ça l'avoir vraiment en studio, fidèle. Fidèle la chance. Hein. Mais à ce temps, il est rendu trop big. Mais peut-être qu'une fois que les disques Joufflus auront sorti un nouveau disque de lui, peut-être que là, on va le recevoir puis ça va donner une conférence. Il est sorti, là. Il est sorti déjà? J'ai vu la prochaine. Arrête-moi ça. Oh oui, ça sur les routes du bonheur, je pense. Non, je sais pas. Je sais pas comment ça s'appelle, mais c'était avec Fidel. C'était Original Recipe avec une dernière pièce de cet album qui se nomme The Chase. Oui. N'est-ce pas génial d'entendre ça? C'était très fort. Vous allez en entendre d'autres pièces, c'est sûr, sur E3 2.0 les mercredis à 15h. C'est Danny qui l'anime. Soyez là, E3 2.0, l'émission de musique électronique et éclectique ou électronique. Électronique. J'ai réussi à le sortir. Ça. Okay. Et là, maintenant, Solid Days, on écoute la pièce qui est remixée par Metastake. Ouais, quelque chose Metastake, Dan. Metastétique. Excusez-moi, je suis vraiment mauvais. Non, tu se passe. Puis la pièce s'appelle Snow. Et c'est ça. Ça ressemble à du house, new jazz, down tempo. J'ai bien aimé, mais c'est beaucoup plus, comment je peux dire, courant comme genre de beat. Ça fait quelques années qu'on entend des beats comme ça. C'est moins original, Recipe, genre. Okay. Ben, sais-tu qu'il y a de moins original? Arrêtez, prendre une pause avant de l'écouter. On revient tout de suite. Vous écoutez La Chance au coureur sur C'est Fou 89.1. On vous aime. Ah, c'est vrai, ça. C'était La Chance au coureur. Pièce pour l'hiver, c'est snow. Oui. Donc aujourd'hui, il fait chaud en plus. Oui, c'est ça. Ah, faut pas parler de la température. Non, mais je suis sûr que jeudi prochain, il va faire tout aussi froid. Ouais. Donc, on va dire qu'on rêle. Yes. On n'est pas très bien. Donc voilà, c'était la formation, c'était l'artiste. Solid Days. Remixé par Métastétique. D'accord, voilà, ça fait le tour de ça. On voulait tantôt passer un petit peu de... Qu'est-ce qu'il y avait, excuse? Est-ce que t'as oublié? Non, vas-y, je t'écoute. Bio Bazar, qui est un album de Danny Janvier. Ben, en fait, ouais. Un projet de Danny Janvier. L'album s'appelle Exode pour Tijuana Co. Et on vient de l'entrer dans notre banque ici assez fou, donc on tenait à en passer un petit peu. On avait déjà parlé de l'album, Danny en fait jouer assez fréquemment. Ça a même été, c'est en première position du palmarès électronique de C'est fou au mois d'avril, l'an dernier, pas l'an dernier, en 2006 quand même, oui, c'est ça. Et voilà, donc il y a plusieurs albums de Biobazar. Ben là, il y en a deux, puis je suis sur le travail pour finir un troisième album pour Biobazar, donc ça s'en vient, puis là, ben cette fois-là, ça va sortir partout en même temps. Ouais. Il va y avoir moins de confusion. Et ceux qui veulent plus d'informations, c'est studiostereo.com. Oui, ou myspace.com/biobazar. Et la pièce qu'on va entendre qui s'appelle Ambient Fever, il y a une vidéo que vous pouvez entendre sur le MySpace. Vous pouvez le voir sur mon studio stéréo ou bien sur YouTube. Vous allez voir, c'est oui, marqué Biobazar. Vous allez trouver. Les sont conservées, sont belles, hein? Prenez-en une. Comment s'appelle la pièce encore? Ambient Fever ou Fièvre Ambiante, parce que les codes sont en français. On écoute ça et pour entendre plus de pièces, E32.0, mercredi 15h. Vous êtes à la chance au coureur sur C'est fou 89 FM. Chanson coureur. 4 phénomènes. Très bien. Nous voilà qu'on continue avec notre chanson coureur. Cette fois-ci, c'est l'heure du bloc Pousse la chance. Ceux qui étaient là la semaine passée ont découvert ce nouveau bloc absolument fantasmagorique. C'est un bloc où on donne une pièce à chaque artiste jusqu'à temps qu'on aime ça. Et quand on aime quelque chose, on en fait jouer plusieurs. Hein? Souvent, c'est des artistes canadiens. Si on déteste, on peut retirer. Complètement. On arrête ça. C'est fini là. Le premier groupe qu'on va utiliser dans notre Pousse ta chance à tron, c'est Run with the Kittens, cours avec les minets. Et il y a un beau petit robot, en fait un groupe de robots en arrière, et puis des petits oiseaux, c'est tout rose, c'est tout jaune, c'est tout ensoleillé, ça m'a l'air très bon. Il y a même des... T'as-tu vu à l'intérieur, Danny? Il y a des robots qui tiennent ensemble dans les régions nées... Ou le changement d'huile. Oui, changement d'huile, oui, c'est ça. On écoute une pièce qui se nomme Live Forever de leur album Run With The Kittens, tout de suite à la chance. Au courant. Ça... Bon, c'est court avec les Timinous. Run with the Kittens, la pièce Live Forever. On écoute une deuxième pièce parce qu'on aime ça dans le bloc Pousse ta chance. C'est ça qu'on fait. On découvre des petits bijoux. Ah, c'est ça qui faisait les robots, ils se poussaient la chance. Ah, c'est ça qu'il voulait dire. Pass me that bottle, I'm gonna drink it on down. I cannot wait to feel my face on the ground. Pass me some pills, it's time to get it loose. Cause it's not about the music, it's about the abuse. And I don't understand why all you rock and rollers die so young. It's about the abuse, and I don't understand why all you rock and rollers die so young. I don't understand why all you rock and rollers die so young. Information Run with the Kittens avec deux pièces, The Abuse et Live Forever. Ici à la chance au coureur, c'est excellent. Je pense que t'as aimé ça. Je pense bien. Et je pense que ça va être mon choix personnel comme découverte de la semaine pour moi, hein, parce qu'on a deux choses à la chance au coureur. C'est le coureur de la semaine qui est le choix, fusionné entre Danny et moi pour quand même. Et puis moi, ben j'en parle ici au palmarès, c'est fou, le vendredi soir. Mon coup de cœur personnel, soyez là. Alors, prochain groupe qu'on s'en va entendre parce que c'est notre bloc Pousse ta chance, celui où on donne une pièce à chaque artiste jusqu'à temps qu'on aime quelque chose. On a bien commencé, on a bien tombé sur le premier artiste, n'est-ce pas? Le deuxième, Crush Luther, avec une très belle pochette orange et verte avec une belle fille qu'on ne voit même pas sa face. Donc, tu vois que c'est pas ça l'important. C'est ça. Donc, Crush Luther, c'est la formation et ça a l'air d'être le nom de l'album aussi parce que je ne vois pas de titre autre que ça. On va écouter une pièce qui s'appelle When We Were Golden et puis on s'amuse avec ça. On se cajole. T'sais. On se cajole. On s'entretient. Non. À la chance au coureur. for nothing, got everything free. When we were golden, when we were golden. Just you wait till we can't do nothing right. Get too tired and we don't even play outside. Used to wake the day with a smile on. You got, cause what you got is what you got anyhow. Oh my people, we should just move out of mind. Don't get to see the day, can't even stay up at night. We used to think so big that we forgot about when we were golden, when we were golden. C'est ça que je veux dire par la blog post à chance. C'était Crash Looter avec When We Were Golden. On enchaîne tout de suite avec Bellevue et I'm No Telescope. I'm c'est sûr. Ah, c'est ça. On parlait des coureurs de la semaine, Danny puis moi, ici, à la Chanson Coureur, l'émission qui découvre les nouveautés musicales avec vous à chaque semaine. Ce qu'on disait, c'est que coureur de la semaine, c'est bien le fun. On voulait peut-être remettre Gestation Rap. Mais non, c'est pas. Non, c'est une joke. Mais on va expliquer la règle du coureur de la semaine pour ceux qui connaissent pas le concept de ça, qui écoutaient pas à chaque semaine, vous manquez quelque chose en passant. Danny et moi, on décide un album qui nous a plu, qui nous a marqué, qui a été important dans la semaine, un album attendu depuis longtemps ou quelque chose du genre, comme mettons Berruyer Noir ou ben des affaires comme ça, vu que c'était bien attendu. Et j'ai inventé une règle comme ça qu'il faut qu'il y ait au moins une distance d'un an entre deux albums pour qu'ils puissent être consacrés à nouveau coureur de la semaine parce que c'est tellement prestigieux. C'est exactement ce que je voulais dire. C'est ça, c'est comme un People's Choice parce que c'est la voix du peuple. Et ça, tu sois un award par année, tu t'en sois pas trois ou quatre. Il faut qu'il y ait avoir un autre, les Golden Globes. Si, mais écoute, là. Allez dans d'autres émissions, ça vous tente, mais vous. Enfin bon. Déjà que vous êtes assez chanceux pour recevoir peut-être un prix de coureur de la semaine. Et cette semaine, Danny, on a choisi un de tes albums que tu nous as présenté tantôt. Ben moi, j'ai proposé Original Recipe. Et j'ai approuvé avec mon seau d'estampillage. C'est merveilleux. T'as brisé un peu la pochette, mais bon. Qu'est-ce que tu veux faire? C'est le même, ça marche. Donc, ça va être notre coureur de la semaine. Donc, ils vont avoir une pièce, deux, au moins, jouer dans les palmarès. C'est fou, les vendredis soirs de 17h à 20h. De même que mon propre coup de jaillissement, cette expression-là, dont j'utiliserai pas. Non. Ma découverte de la semaine musicale. Ça pourrait être ton coup de foie ou ton coup d'estomac, ça pourrait changer. Ça pourrait être mon coup de court, juste un coup comme dans la partie du corps, là, un coup de court. Un coup de court. Un military tattoo, c'est ce qu'on dit. Un military tattoo. Donc voilà, ça va être Run with the Kittens. Oublie pas de pas dire bonne chance aujourd'hui. Parce qu'il y a des gens qui sont affectés par ça quand je leur dis bonne chance, ils veulent pas. J'ai fait mal. Je t'expliquais ça, c'est... Ils n'ont pas besoin de chance dans leur... Enfin bon. Donc, Danny Janvier, on te retrouve à l'émission E3, l'émission de musique électronique. Oui, électronique. Est-ce que tu vas l'utiliser? Si tu vas l'utiliser, sûrement. Dans l'espace E3 2.0. Les mercredis de 15h à 16h. Moi, je vous retrouve à La Connexion, l'émission d'informatique et de jeux vidéo. Ça, c'est les jeudis à midi et les mardis à midi. La Chanson Coureur, si vous avez raté un bout, si vous voulez la réécouter, c'est le vendredi matin de 10h à 13h en rediffusion le jeudi de 13h à 15h. Et puis, dans les palmarès, c'est fou les vendredis soir. Essayez de retenir tout ça. C'est ça. Oh, nouvelle émission aussi, tant qu'à avoir un petit peu de temps pour placoter. Là, écoutez les palmarès en accéléré les mercredis à midi. Écoutez Dans le trafic, hein, mercredi soir, 16h à 18h. Restez là pour Rock Classique, Anne Lefebvre, 13h, vendredi, big deal. T'sais. Et puis le jeudi, si vous restez là, ben vous allez aimer ça parce que ça va être les Vétérans Violents qui viennent envahir le studio de C'est fou. Oh, que ça a assez parlé, ça? Je pense que oui. C'est la fin de la Chanson Coureur pour cette semaine. Merci beaucoup d'avoir été là. À la semaine prochaine et de la part de Danny Janvier, de Mathieu Plante. De tous ceux qui veulent entendre cette phrase, faites attention à vos genoux. Bonne journée et bonne chance.